بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, on va parler de points importants. Après les dourous précédents qu'on a fait en ce qui concerne le tawhid et l'aqida, on va parler un peu de ce qu'on pourrait appeler le manhaj. Ça rentre aussi dans l'étude de l'aqida. C'est la connaissance, c'est la réponse en fait à une question. La réponse à une question que les gens qui sont dans l'islam se posent tout le temps. Une question que je me suis posée, une question que vous vous êtes posée, à laquelle on va essayer de répondre. Cette question, c'est au milieu des groupes, au milieu des sectes, au milieu des tendances, laquelle est la vraie? Laquelle est la vraie? À cette réponse-là, on a déjà répondu un peu, on a essayé d'amener les délits, les paroles des salafs, dans le dars particulièrement, qawa'id fil i'tisam bil kitab wa sunnah, des règles sur le fait de se cramponner au livre à la sunnah. Et on y a répondu, comme vous allez voir, c'est comme une révision des doros qui ont précédé, particulièrement des doros de théorie, et un peu des doros en ce qui concerne, muqaddima fi dirasat al-fiqh, l'introduction à l'étude du fiqh, qui en fait c'est une introduction à l'étude de la science en général, si on y réfléchit bien. C'est-à-dire, au milieu de ces sectes, au milieu de ces groupes, lequel est le vrai? La première chose, c'est, on en parlait, on y reviendra, c'est ce qu'on a cité dans le dars précédent, dans l'explication de Sharh Sittat Mawadi' min Sirah. On a vu, on a parlé de ça, au moment où on a parlé de l'Hijra al-Habasha, et on va faire appel à des notions dans lesquelles on a parlé dans ce dars, c'est qu'il n'y a pas de compromis dans ce dîme. Il n'y a pas de compromis entre le haqq et le batil. Il n'y a pas de compromis entre le tawhid et le shirk. Il n'y a pas de compromis entre l'islam et le jahiliya. Comme il n'y a pas eu de compromis entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et jama'at al-sahaba, les sahaba qui étaient autour de lui à la Mecque. Il n'y a eu aucun compromis avec Abu Jahl, Abu Lahab et Tariq de Quraysh. Oh là là. Et il n'y a pas de plus de compromis entre sunnah et bid'ah. Une des premières choses à savoir, c'est que ces groupes, ils existent parce que la division a été destinée par Allah subhanahu wa ta'ala, la division de cette communauté. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي ما يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أخرجه الترمذي بإسناد حسن. عبد الله بن عمرو rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui est arrivé à Ben Israël arrivera à ma communauté. Tout. C'est-à-dire là, tu lis dans le Coran, tu regardes autour de toi ce qui est arrivé à Ben Israël, c'est pas la peine qu'on parle comme le font certains, même si on en a parlé 24 heures sur 24 des juifs et les juifs et les juifs et les juifs, t'en fais pas. Tout ce qu'ils ont fait d'Yéhoud, tu le trouveras parmi les gens qui se prétendent de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà eu un exemple avec Ar-Rafida, c'est leur exemple le plus criant. Jusqu'à ce que, si l'un d'entre eux a eu des rapports avec sa mère devant tout le monde, il y aura dans ma communauté des gens qui feront cela. Et elle dit, et les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes. Et ma communauté va se diviser en 72 sectes ou en 72 voies. Et c'est ça dont on parle. Quand les gens ils te disent quelle voie est la bonne, c'est de ça qu'on parle. C'est des 72 sectes qui iront en enfer, qui passeront par l'enfer. Sauf une. Toutes dans le feu, sauf une. Et le dire qui est-elle au messager d'Allah, il dit, ce sont ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. Donc au milieu de tous ces groupes, au milieu de toutes ces sectes, il y en a un qui sera sauvé, il y en a un qui est sur la vérité, que ce soit à l'époque des salafs ou à notre époque, c'est ceux qui suivent la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Le premier point le plus important pour savoir quel groupe est sur la vérité à notre époque, le premier point sur lequel s'est différencié, on l'a vu dans les deux autres précédents, le cours de Tawhid, sur lequel s'est différencié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est le da'wah et le Tawhid, ou ma'rifat et le Tawhid, ou le da'wah tout il est. Le fait de connaître le Tawhid et d'appeler les gens à ce Tawhid. Adam khasa'is ahl al-sunnah wal jama'ah. Adam khasa'is ahl al-haq, al-ta'ifat al-mansoura wa shunqat al-najim. Parmi les caractéristiques, la plus grande caractéristique des gens de la vérité, c'est que, un, ils connaissent le Tawhid, et deux, ils y appellent. La connaissance du Tawhid, elle est indispensable pour que la personne y soit musulmane. Et on a vu que le Tawhid, il repose sur deux piliers. Al-Kufr bi-Tawhid, wa l'Iman billah. Ceci, c'est l'appel de tous les prophètes. Depuis Nuh, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghout. Et c'est la da'wah de tous les mujaddidin, tous les gens qui sont venus au fil des temps, qui ont fait revivre le din, les gens de l'haq, les gens qui ont fait face. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, ils ont appelé au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut appeler au tawhid d'Allah, comme on l'a vu dans le dars précédent, sans mettre en garde contre le shirk. Et la preuve, c'est ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir. Ay anzir, anis shirk. Ou toi, revêtu d'un manteau, ou toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Ils ont dit, le ulama, comme le shirk ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avertis contre le shirk. C'est-à-dire, la première chose que doivent faire les gens de l'haq, c'est appeler les gens au tawhid et avertir contre le shirk. Le shirk, on a vu les formes qu'il prend à notre époque, les formes qu'il prend aux époques. Le shirk, il a pris une forme à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam de muslihin, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il s'est levé, le shirk, il a pris plusieurs formes. Les gens qui ont suivi les faux prophètes, et les gens qui ont refusé de pratiquer les piliers d'islam, particulièrement de donner la zakat. Vous voyez? Abu Bakr al-Siddiq, il les a combattus. C'est-à-dire qu'il a appelé le tawhid par l'épée. Et il les a soumis à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. En accord avec ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, de preuve. Il y a ijma' sur cette question-là. Donc, la première caractéristique des gens de la Sunna, des gens de l'haq, c'est la connaissance du tawhid et le fait d'appeler au tawhid. Le tawhid, il a pris une forme par la suite. Au temps de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui est l'imam d'Ahl al-Sunna. Bila Munaza', il a pris la forme du reniement des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, particulièrement de l'attribut de la parole, c'est ça tout le kalam. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, al-Mu'tazila wa al-Jahmiya, qu'ils ont imposé aux gens le fait de dire que le Coran était créé. L'imam Ahmed, rahimahullah, sa da'wah, son jihad, il a été basé sur ça, sur le fait de rester ferme et de dire que non, le Coran n'est pas créé. Et sa da'wah, elle est basée sur plusieurs choses. Le fait de dire que le Coran n'est pas créé. Le fait de patienter en cela. Et le fait de rendre mécréants ceux qui disent que le Coran est créé. Le khilaf avec les gens. Le khilaf al-khusuma. Ce qui s'est passé à l'époque de l'imam Ahmed, il était donc sur une question qu'on appellerait de l'aqida. Il était donc sur une question de l'aqida, sur la question de l'attribut d'Allah, de la parole. Et ça, tout cela, ça fait partie du tawhid. D'accord? Le deuxième mujaddid, la deuxième personne qui a fait revivre la religion, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, à son époque, cheikh al-Islam, le shirk, il a pris plusieurs formes. Il y avait d'une part le shirk des soufis, la soufia, et de l'adoration des tombes. Il a combattu dans certains de ses livres, comme At-Tawassul wal-Wasila, Al-Istirasa, Al-Radd al-Bikri. Il a combattu les innovations des chiites. Il a répondu dans un livre grandiose qui s'appelle Minhaj Sunna al-Nabawiya. Le shirk, il a pris la forme du reniement des attributs d'Allah. Le fait que c'est répandu parmi les gens la croyance de l'Asha'ara, qui est une secte égarée, qui allie le fait de renier ou d'interpréter les attributs d'Allah, de sortir les actes de la foi et de dire que la foi c'est seulement dans le cœur, ce sont des jahmiyyah dans l'iman, hein, et d'autres innovations parmi celles-là, comme le jabr, c'est-à-dire c'est une innovation d'al-qadar qu'on ne va pas développer ici, et d'autres innovations. Le fait aussi d'interpréter l'attribut de la parole, c'est-à-dire qu'il ne croit pas réellement que le Coran est la parole d'Allah. Hein. C'est une expression de la parole d'Allah. Ça revient à la parole de Jahmiya, qui a combattu l'imam Ahmed. Ibn Taymiyyah, il a combattu le shirk des tatars par l'épée, par la parole et par l'épée, par ses fatawas et par l'épée. Et il a levé le djihad et il a incité le sultan à son époque à faire le djihad contre les tatars lorsqu'ils ont refusé d'appliquer la charia entre eux et sur les endroits qu'ils avaient conquis. Et il a fait des fatwas au sultan de son époque pour qu'il attaque les chiites extrémistes, al-Nusayriya, al-Druz, dans leurs montagnes. Ils ont fait le djihad et ils ont tué ceux qu'ils ont tués et ils ont forcé les autres à se soumettre à l'islam authentique. Le shirk, il a pris une autre forme, plusieurs siècles ensuite, lors de la da'wa du shirk, l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, c'est l'adoration des tombes qui avait rempli la péninsule arabe et même le monde islamique. La terre étouffée du shirk. La terre étouffée du shirk. Jusqu'à ce que le shirk Muhammad ibn Abdul Wahhab commence sa da'wa dans la péninsule arabe. Qu'il fasse revivre la millah, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc on voit que tous ces mujaddidines, tous ces gens qui ont fait revivre la religion, un temps où elle était en danger, leur da'wah, elle était sur le tawhid. Leur da'wah, elle était sur le tawhid. Regardons aujourd'hui les tendances. Il y a des gens qui pourraient dire à notre époque, si on regarde des groupes, on va les citer, Inch'Allah, les groupes, on va en citer 5 voire 6 principaux. Si on regarde aujourd'hui les groupes, ils se prétendent de la sunna, c'est-à-dire qu'on exclut d'entrée les chiites, par exemple. On exclut d'entrée les chiites. Et ça, on l'a clairement explicité dans le dal sur l'alliance judéo-chiite, en citant des paroles de ulama, comme quoi c'est une secte qui n'appartient pas à l'islam. Qui n'appartient pas à l'islam. Si on regarde les groupes et qu'on regarde leur position par rapport à ce simple, au simple premier point, c'est-à-dire le fait de connaître le tawhid et d'appeler, on voit déjà qui sont les gens de l'haq, qui est l'égarement des groupes contemporains. Alors, avant de commencer de citer les groupes, je vous cite des usuls, des bases, des règles, basées sur des paroles de salaf, Car c'est eux que nous suivons. On a vu déjà que dans le hadith des 73 sectes, et ce hadith suffit en réalité, vous avez une secte contre 72. La secte sauvée, les gens de la vérité, les gens de la vérité sont un, et les autres sont 72. Ça prouve une chose. Et quand Allah Azza wa Jal cite al-Haq dans le Coran, il cite al-Haq au singulier. Et quand il cite l'égarement, ce qu'il appelle al-Subul, parce qu'il dit وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه et ceci est ma voie droite, suivez-la. Ici c'est le haq, d'accord, c'est l'islam, l'islam dans tout ce que ça implique, l'islam authentique. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ Et ne suivez pas les sentiers. السُّبُلِ ici, comme ils ont dit le salaf, c'est l'ahwa wal-bida'a. Hein? C'est les passions et les innovations, c'est ce qu'on est en train de parler. Les sectes égarées, les voies. On voit ici que السِّرَاط, la vérité, il est au singulier. Et quant à l'égarement, il est au pluriel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir que tu prennes position, ya Allah. Tu ne peux pas rester neutre. D'accord? La vérité, elle est une. Quant à l'égarement, il est extrêmement nombreux et divers.